Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'assassinat d'Henri IV, le 14 mai 1610. J'ai frappé et la lame s'est enfoncée, comme dans du foin. Qui t'a donné l'ordre d'assassiner le roi ? Dieu. Dieu ! Et qui d'autre ? La Vierge Marie. Tu sais ce qu'on réserve aux régicides ? La vie éternelle quand les rois sont des tyrans. C'est l'enfer qui t'attend. Extrait du téléfilm « L'assassinat d'Henri IV » réalisé par Jacques Malaterre en 2009. Aujourd'hui encore, d'importantes questions restent sans réponse autour de cet assassinat du roi Henri IV par François de Ravaillac le 14 mai 1610. La grande question autour de cet assassinat reste bien sûr de savoir si Ravaillac a vraiment agi seul dans cette affaire. C'est ce qu'il a toujours soutenu, mais le fait que le roi meure au lendemain du couronnement de son épouse Marie de Médicis, qui devient du coup régente du royaume, ouvre la voie à toutes les hypothèses. Henri IV, de son vivant, n'était pas tellement populaire. D'ailleurs, la preuve, tous ces régicides, tous ces gens qui ont essayé d'attenter à ses jours. C'est après sa mort que très, très, très vite, presque l'année suivante, surgit la légende du bon roi Henri et le bon temps du bon roi Henri, qui ne s'est jamais démenti jusqu'à nos jours. Effectivement, au beau temps de la République dure et pure, de la Troisième République, qui était plutôt contre la royauté, seule surnageait la figure de ce roi, parce que ce roi avait été un roi qui avait tenté de concilier les Français, tenter de réunir une France éparse. Extrait de l'émission 2000 ans d'histoire diffusée à France Inter il y a quelques années, maintenant disponible en réécoute en balado-diffusion. C'est l'historienne Janine Garrison que vous entendiez dans cet extrait pour nous raconter cet assassinat, l'assassinat d'Henri IV. J'accueille l'historien Laurent Turcot, qui est professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, animateur également des populaires capsules L'Histoire nous le dira. Laurent Turcot, bonjour. Bonjour. Janine Garrison l'évoquait dans l'extrait qu'on vient d'entendre, cette fameuse légende du bon roi Henri. De quoi on parle quand on parle de cette légende? Et plus largement, à partir de cette légende, vous nous direz si c'est vraiment le cas, mais on dit qu'aujourd'hui encore, il reste Henri IV, l'un des rois préférés des Français. Oui, c'est un des rois les plus populaires. Pourquoi? Bien, Janine Garrison a bien rappelé que c'est au 19e siècle qu'on avait vraiment mis de l'avant cette légende du grand roi, du bon roi Henri IV, notamment avec l'idée sur laquelle il aurait voulu, pour tous les Français, offrir une poule au pot toutes les fins de semaine. Et ça montre l'idée d'un roi, justement, un père de famille qui s'occupe. Et plus encore, c'est que le 19e siècle, c'est la naissance de ce qu'on appelle le roman national. On veut donner aux petites Françaises et aux petits Français des grands modèles, des grands hommes. Et Henri IV va incarner ça. Mais il faut se rappeler surtout que Louis XVI, à l'époque du 19e siècle, et plus encore Napoléon III, se sont servis de la figure d'Henri IV et de son assassinat pour mousser leur propre candidature et leur figure publique. Donc, on est vraiment dans un moment de réutilisation, de réinterprétation de la mort et surtout de toute cette période qui est celle d'Henri IV, qui est beaucoup plus trouble que ce qu'on a dit. Et Janine Garrison le dit à juste titre. Mais le roi sur aussi beaucoup de la réconciliation. C'est pour ça qu'il passe à l'histoire. Complètement. C'est qu'il ne faut pas oublier qu'Henri IV, c'est le premier des Bourbons. Avant, c'était les Valois, Henri III, qui va être assassiné par le moine Jacques Clément. Jacques Clément va ensuite mourir, met fin à la dynastie dite des Valois et commence avec Henri IV, la dynastie des Bourbons. Ensuite suivra Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et c'est ce qu'on appelle le renforcement de l'État, ce que certains ont appelé l'absolutisme. Mm-hmm. Eh bien, Henri IV, lui, incarne ça. Mais il faut se rappeler qu'il arrive après des guerres de religion fratricides entre les Français, entre les Huguenots, ce qu'on appelle les protestants, et les catholiques d'autre côté, avec la fameuse nuit de la Saint-Barthélemy qui a carrément brisé le royaume. Et Henri IV était présent parce que c'est lors de son mariage avec Marguerite de Valois qui a été le début de la Saint-Barthélemy. La reine Margot. La reine Margot, exactement. On a passé au fil de l'épée environ de 4 à 5 000 protestants à Paris. Les rues était rouge de sang. C'est ce qu'on raconte à l'époque. Donc, l'histoire d'Henri IV est baignée de sang dès sa plus tendre jeunesse. Et de conversion aussi, parce qu'il est, vous le dites, il y a ce contexte de guerre des religions en France. C'est lui qui va un petit peu faire l'unité, la réconciliation dans tout ça. Et ça va se faire, j'allais dire au prix, mais en tout cas, il ne cessera, lui est protestant au départ, oui. Et il y aura là une aventure, une histoire de multiples conversions. Ah, multiples conversions, vous faites bien de le dire, 6 fois environ, et on dit qu'il est relapse. En termes techniques, ça veut dire simplement qu'il change de religion. Mais attention, c'est passible d'excommunication. Il ne fait plus partie du giron de l'Église catholique. Et le pape ne veut pas de lui. Et plus encore, les catholiques ne veulent plus de ce roi parce qu'on suspecte que derrière la conversion, la dernière conversion qui fait d'Henri IV le roi des Français, qu'il serait finalement un huguenot de cœur. Et donc, il faut se méfier de ce roi qui, en sourdine, veut promouvoir les intérêts protestants. Et on commence déjà à entrer dans l'explication de son assassinat, mais avant d'arriver à l'assassinat, des multiples tentatives d'assassinat. Parce que s'il meurt le 14 mai 1610, il va vraiment échapper à de très, très nombreuses tentatives d'assassinat. Pourquoi? Déjà, vous venez nous donner un élément de réponse. Cette tension encore très forte, cette insatisfaction, entre autres, de certains catholiques. Oui, parce que longtemps dans l'histoire, on a pensé qu'avec Henri IV, prenaient fin les guerres de religion. L'édit de Nantes qui permet justement aux protestants de vivre, où les droits d'une minorités religieuses sont reconnues en France, qu'à partir de ce moment-là, tout irait bien. Absolument pas. Si on regarde l'histoire, le fil ordinaire de l'histoire française à ce moment-là, Henri IV n'est pas un roi aimé de tous les Français. Et donc, il y en a qui se disent, il faut tuer ce roi. Et à ce moment-là, on a les Jésuites. Les Jésuites, c'est à la suite du Concile de Trente, ce qu'on a appelé la Contre-Réforme. On a voulu mettre en place une organisation qu'on va appeler bientôt le bras armé du pape. En gros, c'est qu'on envoie les Jésuites dans différentes contrées, en Asie, en Nouvelle-France et même en France, dans les Cévennes, où il y a beaucoup de protestants ou encore des hérétiques, pour convertir. Et ceux qui ne veulent pas être convertis vont subir les foudres de l'Église, bien sûr, et bientôt de l'État. Oui. Dans cette série d'attentats contre le roi, avant celui de 1610, il y en a un qui vaut particulièrement le détour. Oui, il y en a un, celui de Jean Châtel, qui va marquer carrément les consciences. Le roi va être blessé, il va perdre une dent. Là, on est en 1594 à Paris. Il va être, bien sûr, mis à mort et c'est le début d'une longue série entre 12 et 20 assassinats, tentatives d'assassinat, qui vont justement émailler toute l'histoire de la royauté d'Henri IV. Donc, c'est un roi qui est constamment menacé. Il le sait, il en est conscient, il le dit à ses conseillers. À plusieurs reprises, il se dit « Le jour où je ne serai plus là, vous allez comprendre à quel point j'étais important. » Bon, on s'entend, là, il y avait peut-être la grosse tête, mais ça fait partie justement de ce personnage qui tient son pouvoir de Dieu. Et il n'est redevable de son pouvoir qu'à Dieu. D'où la raison pour laquelle je vous parlais de naissance justement de l'absolu, de l'État absolu en France au 17e siècle. « 14 mai 1610, Paris. À l'époque, le palais du Louvre sert de demeure au roi. Ce jour-là, Henri IV doit rendre visite à son ami et ministre des Finances, Sully. Henri IV veut aller chez Sully qui est malade. Donc à l'arsenal, donc il va sortir et il va en profiter également pour inspecter et voir les installations magnifiques qui ont été faites parce que sa femme, Marie de Médicis, a été couronnée la veille. Mais il a, au dernier moment, des hésitations. Il dit « Mon Dieu, j'ai quelque chose là qui me trouble fort. » Il a reçu plusieurs messages. On lui a dit « Sire, ne sortez pas aujourd'hui. » Et finalement, Henri IV dit « Non, j'y vais. » On lui propose une escorte armée. Il dit « Non. » Or, il se trouve que lorsque le carrosse royal emprunte la rue de la Ferronnerie, celle-ci est barrée par deux charrettes de marchands, une charrette qui transporte du vin, une charrette qui transporte du foin. Et c'est à ce moment-là qu'un individu de grande taille, roux, de barbe, prend appui sur la roue arrière gauche du carrosse et frappe le roi à 3 reprises. C'est une attaque éclair, c'est une attaque imprévisible. C'est la stupéfaction. « Extrait de la série documentaire « Les grands crimes de l'histoire », plus précisément de l'épisode diffusé en 2019 et consacré à l'assassinat d'Henri IV. C'est donc le 14 mai 1610 qu'est assassiné Henri IV. On va revenir un petit peu plus en détail, Laurent Turcot, sur les circonstances entourant sa mort. Que se passe-t-il ce jour-là? Bien, il se passe beaucoup de choses. Faut rappeler quand même que Henri IV est un moment pivot de sa vie, justement. Il a un peu pacifié le royaume, si on fait un arrêt sur image. Ça se passe relativement bien en France. Il a 56 ans. Il n'aime pas vraiment sa femme, hein, Marie de Médicis, qui vient d'être couronnée. Et on dit que c'est un coureur de jupons. Oui. Le surnom d'Henri IV, c'est d'ailleurs le vert galant. Donc, un homme qui aime les jeunes femmes. Et il aimait notamment une jeune femme qui s'appelait Charlotte. Et une quinzaine d'années. Mais plus encore, il se dit, ça serait peut-être aussi le temps de partir une guerre. Et il voulait se lancer en guerre contre les princes catholiques en soutenant les protestants. Et en allant ce jour-là voir Sully, il commençait à mettre en place les préparatifs de guerre. Mais la noblesse française n'en veut pas de cette guerre. Et donc, on voit une espèce de double symbolique ici. La fameuse Charlotte en question dont je vous ai parlé, on l'avait emmenée chez les Habsbourg. Donc, on a Hélène ici. Et la guerre, c'est carrément la guerre de Troie qu'on voit se déclencher. Donc, les nobles se disent hors de question qu'on reparte une guerre parce que Henri IV veut aller chez les Habsbourg chercher sa jeune amante pour mettre le royaume à feu et à sang. Donc, il descend justement la rue de la Ferronnerie, pas très loin des Halles, à Paris, dans le centre de Paris. Et là, les étals bloquent tout. Oui. On se dit qu'on aurait dû faire dégager un peu la route. Et c'est là que surgit François de Ravaillac. Il prend un couteau à la main et il va justement frapper le roi à différents endroits, bien sûr, du corps. Le duc d'Épernon, qui est à côté du roi, on va y revenir dans quelques instants, lui, ne fait rien et voit Ravaillac carrément poignarder le roi. On se saisit tout de suite de Ravaillac et d'Épernon va dire « Surtout, n'y touchez pas, il en va de votre vie. Oui. » Ce qui a fait dire à certains, il n'est pas impliqué, parce que s'il avait voulu que Ravaillac meure sur le coup, il aurait laissé la foule le dépecer, ce qui va arriver plus tard lors de son assassinat ou de son exécution publique. Et ce fameux François Ravaillac, qui est-il, Laurent Turcot? Ah, c'est un grand personnage quand même. Je dis grand personnage parce qu'il incarne une France qui a été laissée de côté. Du moins, c'est comme ça qu'il le voit. Il est bien sûr d'une famille bourgeoise, il est catholique dans un îlot à Angoulême, un îlot de catholiques autour de protestants. Donc, il y a une certaine idée où est-ce qu'il est oppressé par ces protestants qui menacent justement son intégrité. Ça va très mal se passer avec ses parents. Il veut suivre une éducation catholique. Il va aller chez les jésuites, comme on a dit tout à l'heure, le bras armé de la papauté. Oui. Il va travailler là 5-6 semaines à l'éducation des enfants, mais très vite, on va se rendre compte que cet homme-là a des problèmes mentaux. Je le dis dans des termes contemporains, mais en gros, il a des représentations mystiques. Mmh. Il a des visions, un peu comme Jeanne d'Arc, mais du mauvais côté de l'histoire de ce côté-là. Et on se dit, cet homme-là n'a pas toute sa raison. Il est aliéné, c'est-à-dire on lui a aliéné la raison, comme on dit à l'époque. Donc, on le met dehors des jésuites. Mais l'homme, malgré tout, continue à avoir ses visions. Et dans ses visions, il se voit aller voir Henri IV pour lui dire, il faut que tous les Huguenots, donc tous les protestants, se convertissent à la religion catholique. Et la dernière vision, c'est celle qui va le marquer carrément. Il voit sa main qui pénètre dans le corps d'Henri IV avec un poignard. Il se dit « Oui, je dois absolument tuer le roi ». Et fort de cette vision-là, il monte à Paris, il achète un couteau dans un marchand pas très loin. Il se dit « Je vais abattre la main de Dieu sur le corps de ce tyran ». Parce que pour lui, c'est un tyran qui a abjuré sa religion et qui risque justement de revenir protestant. Et c'est ça qu'incarne François de Ravaillac. Il incarne cette mouvance française des catholiques qui ne croient pas à la conversion d'Henri IV. Et donc, il passe à l'acte, comme on dit, le 14 mai 1610. À la suite de l'assassinat, Ravaillac est interrogé, vous le dites là, on dit « il nous le faut vivant ». Il est interrogé pendant 13 jours durant un procès au cours duquel il va toujours dire qu'il a agi seul, mais c'est vraiment la constante de ces 13 jours d'interrogatoire serré. On écoute l'historien Jean-Christian Petit-Fils qui parle du côté bâclé, du côté expéditif aussi du procès à l'émission « L'assassinat d'Henri IV, un jour dans l'histoire ». Présenté à Canal Académie en France. C'est un procès bâclé. On ne fait pas venir les parents d'Angoulême, on ne les interroge pas, le père, la mère, qui sont séparés parce que le couple s'était déchiré du fait de la perte d'emploi du père, Jean. On ne fait pas venir le nommé Élie Béliard, chez qui Ravaillac a pris sa décision en avril 1610 de tuer le roi. On n'interroge pas non plus les soldats que Ravaillac a rencontrés et qui lui ont dit que si jamais le roi partait en campagne, eh bien, en effet, il serait obligé de le suivre, d'obéir à ses ordres. Donc, on a bâclé ce procès et on peut s'interroger beaucoup, bien que Ravaillac ait dit à plus de 15 fois qu'il avait agi seul, si vraiment il s'agit d'un acte isolé d'un demi-fou, s'il a été un agent conscient d'une conspiration et qui aurait reçu, par exemple, une absolution secrète d'un prêtre fanatique, et donc, par le jeu des restrictions mentales, aurait pu toujours s'obstiner à nier la moindre complicité, ou si, ce que je pense, il a été suggestionné, manipulé par d'autres. Alors, comment se déroule ce fameux procès de Ravaillac, Laurent Turcot? Puis surtout, pour revenir à ce que vient de dire Jean-Christian Petitfils, est-ce qu'il a agi seul ou est-ce qu'il a été manipulé par d'autres? Ah, ça, c'est toute la grande question qui, encore aujourd'hui, fait produire des tonnes et des tonnes d'articles, ouais, de livres et de théories sur qui aurait tué Henri IV. Qui avait intérêt à tuer Henri IV? C'est ça, la grande question. Eh bien, ils étaient nombreux. On pourrait commencer aujourd'hui puis finir dans deux heures, ouais, puis on aurait à peine gratté la surface. Mais Ravaillac, lors de son procès, c'est vrai qu'il a toujours dit avoir agi seul. Et il n'y a pas de preuves tangibles. Quand je dis tangibles, c'est qu'il n'y a pas de documents, de sources directes qui auraient relié Ravaillac à quelconque complot, quel qu'il soit. Mais le problème dans ces situations-là, c'est quand vous avez un événement de cette ampleur, on se refuse systématiquement de croire qu'un homme a pu agir seul. C'est vrai en grande partie. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un contexte qui met, oui, cet homme au jour et qui le révèle et qui donne justement les motivations d'agir. Plusieurs historiens vont dire, en étudiant les pièces de son procès, mais plus encore les agissements de toutes les personnes qui étaient autour de lui, vont dire il y avait complot. Il y avait volonté assumée de tuer le roi. Et un de ceux-là, c'était le duc d'Épernon, dont je vous ai parlé, oui, tout à l'heure. Qui est avec le roi quand il se fait assassiner. Exactement. Mais on raconte notamment que le duc d'Épernon était justement un très proche confident de Charlotte Henriette de Balzac d'Entragues, qui, elle, était une ancienne maîtresse d'Henri IV, qu'il avait promis de marier, mais qui finalement l'avait laissé tomber. Et il y avait eu deux enfants avec elle. Mmh. Au lieu de se marier avec elle, il a marié Marie de Médicis. Donc, elle, courtisane ou plutôt amante déchue, qui est près du comte d'Épernon, on se dit, ça y est, on a là tout ce qu'il faut pour justement révéler le complot. Et plus encore, il y en a qui vont dire, quand d'Épernon va dire, surtout n'y touchez pas, il en va de votre vie, bien là, il y en a, on va dire, lui-même avait préparé son complot. Donc, Ravaillac a fait ce que lui voulait faire. Mmh. Donc, il ne faut surtout pas qu'il révèle quoi que ce soit. Il ne faut pas qu'on le tue. Il faut qu'on sache d'où ça vient. Parce que lui avait cette idée-là. Donc, en ne tuant pas Ravaillac, il se dédouanait du complot qu'il est en train de faire. Oui. Pourquoi? Ben là, c'est la grande question. Pourquoi d'Épernon aurait-il fait ça pour avoir la fameuse régence? Oui. Mais c'est Marie de Médicis qui va avoir cette fameuse régence. Et là, vraiment, parfois, le hasard... la grande question, c'est est-ce qu'elle est mêlée à ça? Parce qu'elle insiste, elle est couronnée la veille de l'assassinat d'Henri IV. Et comme il meurt, c'est elle, parce que son successeur est encore trop jeune pour gouverner, c'est elle qui devient régente du royaume. Ah ben oui, toutes les cartes sont là pour montrer que Marie de Médicis était impliquée dans le complot. Je ne dis pas qu'elle l'était parce qu'on manque de preuves, mais Marie de Médicis est une femme vraiment qui est laissée de côté par Henri IV. La première fois qu'il la voit, parce qu'ils se sont mariés alors que lui n'était pas avec elle, elle arrive en France et dit « Mais c'est un taureau, elle a le cou plus gros que j'ai la jambe. » Donc, il la trouve ignoble, d'où la raison pour laquelle on dit qu'il allait comme ça à gauche et à droite, oui, batifoler. Il ne l'aime pas, visiblement. Il est plus intéressé par ses maîtresses à gauche et à droite. Et elle, femme délaissée, on dit qu'une fois couronnée, elle se serait débarrassée de son mari pour avoir la régence. Ce qu'elle aura d'ailleurs. Mais il faut bien rappeler qu'après le couronnement, mais la régence de Marie de Médicis, on va avoir ce qu'on appelle des états généraux en 1614. Les états généraux suivants seront en 1789, oui, et on sait ce qui se passe ensuite. Mais de ces états généraux va émerger un grand homme, le cardinal de Richelieu. Donc finalement, le grand personnage qui a émergé, pourrait-on dire, de l'assassinat d'Henri IV, c'est peut-être pas Marie de Médicis, mais c'est le cardinal de Richelieu. Et ce sera assez désastreux d'ailleurs, la régence de Marie de Médicis. On revient à notre bon Ravaillac, entre guillemets. Le 27 mai 1610, il est exécuté. On écoute à nouveau l'historien Jean-Christian Petitfils sur les conditions absolument atroces de son exécution. Alors, son supplice est abominable. Il va se dérouler le 27 mai, donc quelques jours après l'assassinat. C'est donc l'écartèlement, mais au préalable, il a subi le supplice des brodequins. Donc, on a serré ses genoux et on a enfoncé des coins à coups de maillet pour qu'il parle. Et là, il dira qu'il n'a pas de complice. Ensuite, il fait amende honorable devant Notre-Dame et il est conduit place de Grève, où là, on lui brûle d'abord la main criminel qui a porté le couteau. On lui verse sur cette main du soufre, de la poix brûlante. On tenaille au fer rouge le buste du malheureux, ses cuisses. On lui arrache les tétins. On jette du plomb et du soufre fondu. Le malheureux crie Jésus-Maria et demande un salve Regina. La foule hystérique refuse. Ravaillac dira « J'accepte sous condition que vous me donniez l'absolution. Si je mens, j'irai en enfer. Mais je veux la communion. » Et en effet, on lui donne l'absolution et la communion juste avant d'être écartelé par quatre chevaux. C'est un supplice horrible. La foule à nouveau se précipite sur les restes du malheureux. On brûle sa chair. Certains se précipitent pour la dévorer. Ça fait partie des horreurs de l'Ancien Régime. Ça fait partie des horreurs de l'Ancien Régime, dit Jean-Christian Petit-Fils. Il reste que c'est absolument horrible. Il le paie, ce crime, ce meurtre du roi, très, très chèrement, Ravaillac. Oui, à juste titre. Pourquoi? Parce que c'est un régicide. C'est le pire des crimes qui peut être commis. Et on peut se demander pourquoi tant de violence, pourquoi tant de mise en spectacle carrément. Bien, pour une idée très simple, qui est celle de la justice française de l'époque moderne, l'exemplarité oui. de la peine. On veut bien montrer que ce genre de crime est puni sévèrement. Et donc, on veut carrément dire aux gens, bon ben voilà, on a attenté à la vie de votre roi, on l'a tué, donc faites-vous justice aussi d'une certaine manière. Parce que le fait que la foule soit impliquée, qu'elle dépèce carrément, parce que quand le bourreau avait pour fonction de prendre les restes de Ravaillac pour les jeter au feu, il ne va trouver que ses vêtements oui. tellement la foule s'est repue de ses chairs et donc de ses viscères et de son sang. Crime horrible, donc exécution tout aussi horrible. À laquelle participe la foule, ce qui montre bien aussi la colère des Français face à cet assassinat d'Henri IV. Un petit mot, on l'a vraiment très, très rapidement évoqué sur les conséquences de cet assassinat-là. Bien sûr, toute période de régence en France mène à une forme de guerre civile ou à tout le moins une instabilité. Grande instabilité après justement la mort d'Henri IV, qui va nous mener aux États généraux de 1614, qui va voir la figure de Richelieu émerger, tranquillement bien sûr, Louis XIII, avec lui, et on arrive ensuite à Louis XIV. Donc finalement, cette grande transformation de l'État que Henri IV avait voulu, c'est Louis XIII et Louis XIV qui vont la mettre en place. Et finalement, le rêve d'Henri IV va s'incarner bientôt à Versailles avec Louis XIV. Laurent Turcot, professeur d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières, animateur des capsules L'Histoire nous le dira. C'était un plaisir. Merci, Laurent. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.